vue d'une mise à jour de son fichier client, la régie des eaux a entrepris en collaboration avec Listebout un recensement de tous les points de livraison eau et électricité. Régie des eaux demande à tout abonné de faciliter aux agents de Listebout l'accès aux équipements de comptage eau et électricité et de leur fournir toutes les informations utiles. Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Nous sommes le 25 février 2020. Voici les grands titres. Le secrétaire général et candidat du parti CNDD-FDD aux élections présidentielles du mois de mai prochain a déposé ce mardi son dossier de candidature à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Évariste Ndayishimiye demande à la population de toujours bien cohabiter malgré les différences idéologiques. Une vingtaine de criminels ont été tués la semaine dernière dans des affrontements avec les forces de l'ordre dans trois communes de la province de Bujumbura. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique voit dans cette perturbation de la sécurité un lien avec la période électorale. Et les travailleurs de la société Afri Textile sont en grève depuis ce mardi matin. Ils réclament leurs impayés de trois mois de salaire. Et dans la chronique santé ce mardi, l'on parlera des mycoses des pieds avec Dr Belize Kaneza. Et les dermatologues. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Certains agriculteurs de différentes contrées du pays se plaignent que les intrants agricoles n'ont pas encore été distribués. D'autres parlent d'une faible quantité. Dans l'émission Aiwacho Havugwamaki de ce lundi, hier, sur la radio Isanganiro, ces habitants ont avancé que c'est tard, du moment qu'ils se sont déjà acquittés des avances exigées pour avoir ces fertilisants. Ils demandent au gouvernement de résoudre ce problème. Écoutez. Eric Akayongozi, professeur de Ruigi. Je voulais lancer un appel au gouvernement en rapport avec les fertilisants de FOMI. Nous avons déjà terminé les préparatifs de nos champs, mais Akayongozi, nous n'avons pas encore été approvisionnés. Aujourd'hui même, les abonnés qui payaient au poste de Kayongozi ont des tickets chez eux, pas d'engrais. On se demande où nous allons les trouver au moment que la saison culturelle est en cours. Et si nous sommes en retard, nous craignons la famine car nous avons été en retard pendant la saison culturelle B. Nous voyons que cette situation peut causer la famine dans nos ménages. Nous demandons au gouvernement de prendre en main cette question pour en trouver solution afin que nous cultivions à temps et avoir une bonne récolte. À Nyabikere, depuis mercredi, la population n'a pas d'engrais. Est-ce que dans les stocks, il n'y en a pas? L'on avait commencé à le distribuer en quantité suffisante. Ernest Amuta, vraiment nous n'avons pas de fertilisants. Qu'il nous en donne encore, car nous en avons besoin. Il nous donne une quantité insuffisante. Que le gouvernement fasse tout ce qu'il faut pour nous en trouver, nous acquisons le retard. Je suis à Kayogoro, en province de Makamba. En ce qui est de l'engrais, à Kayogoro, même ceux qui se sont fait enregistrer n'en trouvent pas. Quand ils apportent, la distribution se fait pendant un petit moment et après, ils nous demandent de revenir mais ne le distribuent pas. Et au retour, ils disent qu'il n'y en a plus. Et la question qui se pose, à qui est-ce qu'ils ont été distribués? Mais si tu vas chercher cash, tu en trouves. C'est ça la question. Nous voulons savoir où va l'engrais. Ils apportent une petite quantité distribuée pendant un laps de temps, sans toutefois savoir où vont ces fertilisants. Voilà, c'était les habitants qui se sont exprimés dans l'émission Aiwanyu Havugwamaki de ce lundi sur Isanganiro. Mais pas de réaction pour l'instant de la part du ministère de l'Agriculture que la rédaction continue à chercher. Et le secrétaire général du parti CNDD-FDD, candidat à l'élection présidentielle le 2 mai prochain, Évariste Ndayishimiye, a déposé ce mardi son dossier de candidature à la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Il interpelle la population burundaise à bien cohabiter malgré leurs différences idéologiques durant cette période préélectorale. Suivez Évariste Ndayishimiye, traduit en français par Aimé Richard Niyonguru. En ce jour du 25 février 2020, le parti CNDD-FDD a une joie immense de porter à la connaissance de toute la communauté nationale et internationale que nous venons de déposer à la Commission électorale nationale indépendante CENI tous les documents exigés pour être candidat à la présidentielle prochaine, comme c'est prévu par le code électoral et par le calendrier électoral. Nous remercions tous les Bagumina-Banga qui, à travers leurs représentants, nous ont choisis lors du récent congrès pour représenter ce parti aux élections présidentielles prochaines. Nous remercions également la communauté nationale et internationale pour leur message de félicitations, ce qui nous rend fort dans ce processus. Le parti CNDD-FDD se dit satisfait de cette période si importante où les leaders des partis politiques et les indépendants se préparent en conséquence dans la paix et dans la tranquillité, ce qui n'était pas le cas dans l'OTAN. C'est un signe éloquent que la démocratie s'est déjà stabilisée au Burundi, en témoigne également la maturité politique des Burundis. Évariste Ndayishimiye, secrétaire général du parti CNDD-FDD et candidat de ce parti à la prochaine présidentielle. Des parlementaires s'interrogent sur les irrégularités des services offerts aux affiliés de la mutuelle de la fonction publique par les hôpitaux et centres de santé. D'autres se plaignent de la non-couverture par cette mutuelle, des transferts à l'étranger et des médicaments chers. Répondant aux questions des parlementaires ce lundi 24 février, le ministre de la Solidarité, Martin Nivyabandi, a expliqué que cela est dû au fait que le montant des contributions des membres est relativement bas. Mais il ajoute que le nouveau projet de loi portant cadre de la protection sociale prévoit une augmentation des contributions pour ceux qui le veulent, afin d'élargir la gamme de soins couverts par la mutuelle de la fonction publique. Armel Moutore pour plus de détails. Le député Glorios Verahino estime que le manque de couverture de la mutuelle de la fonction publique pour les soins à l'étranger et l'achat des médicaments coûteux est un défi pour les contribuables. Il y a des médicaments qui coûtent cher, où la mutuelle n'intervient pas. Des médicaments qui vont au-delà de 3 millions. Nous souhaitons que pour ce cas où la personne est affiliée à la mutuelle, cette institution puisse l'appuyer par une petite somme quand il va se faire soigner à l'étranger ou quand il achète des médicaments qui coûtent cher. L'assistance qu'offre la mutuelle de la fonction publique est basique, mais l'assuré pourra faire une contribution supplémentaire qui lui permettra de bénéficier des soins à l'étranger, explique le ministre Nivyabandi. De son côté, le député Glorios Nimenya trouve que les initiatives privées de mutualité offrent des prestations de qualité à leurs affiliés, plus que celles offertes par la mutuelle de la fonction publique, et se demande l'apport du projet de loi portant réorganisation de la protection sociale. C'est évident pour les gens qui ont pu, à travers les mutualités communautaires, investir pour leurs soins, qu'ils sont mieux soignés plus que les affiliés de la mutuelle de la fonction publique. Comme l'a dit mon prédécesseur, il y a des maladies où la mutuelle n'intervient pas, alors que les initiatives privées ont pu élargir les domaines de prise en charge. Je me demande la plus-value de ce projet de loi que nous avons sur la table pour que les plus diminués et ceux qui travaillent dans de petites organisations puissent avoir des soins de qualité. Le ministre Nivyabandi trouve que les mutualités communautaires n'ont pas suscité l'affluence des personnes à faible revenu, étant donné que la contribution, comprise entre 15 000 et 23 000, n'est pas accessible aux citoyens ordinaires. Les mutualités communautaires n'ont pas pu attirer un bon nombre de gens. La contribution, comprise entre 15 000 et 23 000 pour chaque citoyen, est une somme qui n'est pas toujours accessible à tous, ce qui a fait qu'il n'y ait pas beaucoup de fonds, car les contributions ne tiennent pas compte de l'économie d'échelle pour qu'il y ait l'affluence des contribuables et par la suite réduire le taux de cotisation. Martin Nivyabandi fait savoir que la mutuelle de la fonction publique ne saurait couvrir l'assistance aux soins à l'étranger qu'en partenariat avec des sociétés d'assurance étrangères afin d'échanger des médecins spécialistes dans les domaines les plus sollicités. Armel Moutore, stagiaire à notre station. Le prix du sucre atteint aujourd'hui le pic de 3 000 francs burundais au marché de Muyinga. Des consommateurs demandent à l'autorité de faire respecter le prix officiel, tel que c'est le cas pour d'autres produits comme le ciment. Le conseiller économique du gouvernement de la province de Muyinga invite les acheteurs à dénoncer les spéculateurs. Dieudonné Nzeyimana. Dans les boutiques et magasins de la ville de Muyinga, une denrée se fait de plus en plus rare, le sucre. Si on le trouve, son prix va de 2800 à 3000 francs le kilo. Il y a des semaines, le gouverneur de la province de Muyinga a sorti une mesure sommant tout commerçant à respecter les prix officiels. Chose faite pour certains produits comme le ciment d'Ibuseko, vendu aujourd'hui à 24 500 francs le sac, alors qu'il avait atteint le pic des 32 000 francs, ou encore les produits brasiliens. Aroudi pour lesquels les prix officiels sont aujourd'hui respectés. Les consommateurs félicitent l'autorité pour avoir rappelé à l'ordre les commerçants, mais demandent aussi la rigueur pour le sucre qui pose des problèmes depuis des mois. Badin de Joumaïné, conseiller économique du gouverneur de la province Muyinga, invite les consommateurs à dénoncer secrètement les spéculateurs et de rassurer. Une commission mise sur pied par le gouverneur pour le suivi du respect des prix est à lèvres. La situation sera maîtrisée incessamment. Muyinga, Dieudonné, Zeimana, Radio Isanganiro. Merci Dieudonné. Je vous l'avais dit dans les titres, plus de 20 criminels ont été tués dans différentes attaques perpétrées dans différentes localités de trois communes de la province de Bujumbura. Deux policiers ont succombé dans ces attaques. C'est le porte-parole du ministère de la Sécurité publique qui a fait cette déclaration en indiquant que 6 personnes qui appartenaient à cette bande criminelle qui a attaqué récemment dans la province de Bujumbura ont été arrêtées. Pierre Nkurikiye affirme qu'il y a un lien entre cette perturbation de la sécurité et la période électorale. Il y a eu au total 22 morts, dont un professeur du lycée de Maranatha qui s'appelle Bosco, qui était apparemment à la tête de ce groupe. Nous déplorons aussi la mort de deux policiers qui sont morts sur le champ entre de démanteler ce groupe. Et il y a eu aussi deux autres policiers qui ont été blessés. Il y a eu arrestation de 6 parmi les criminels. C'est ça le bilan. Si on analyse tous ces cas de criminalité, ces groupes, de criminels ce groupe de criminels qui a été démantelé dans Bujumbura, dans la province de Bujumbura, on constate qu'en réalité il y a un lien entre tous ces cas. C'est que en réalité des criminels profitent du détournement de l'attention de la population qui est maintenant dirigée vers les élections en vue et profitent de ce détournement de l'attention pour pouvoir commettre les différents crimes. Il s'agit d'un phénomène de criminalité qui est scientifiquement explicable. Donc, lorsque dans un pays, il y a un grand événement, et toute la population voit son attention tournée vers ce grand événement, la vigilance pour les autres cas de criminalité diminue au profit de cet événement. C'est ça l'explication pour tous ces cas de criminalité, particulièrement ce cas de cette bande criminelle qui a été démantelée dans la province de Bujumbura. D'après l'enquête, c'est ça. Nous invitons toute la population à rester vigilante tout en alertant la population chaque fois qu'il y a une situation anormale qui se présente là où il se trouve. C'était Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité publique. 30 ménages du chef-lieu de la province de Cibitoke, dans la localité communément appelée B13, se plaignent des inondations dont ils sont victimes quand il pleut abondamment, comme hier après-midi. Des locataires de 10 ménages n'ont pas logé chez eux et réclament la construction d'un gros canal pouvant conduire les eaux vers la rivière Rusizi. L'administration dit avoir la même préoccupation que cette population. Alexis Ndayiragije. Les ménages qui ont été menacés par les eaux de pluie de la première de ce lundi sont à 30, les plus menacés étant de 10. Là, c'est au chef-lieu de la province de Cibitoke, dans la localité communément appelée B13. Les membres de ces 10 ménages les plus menacés n'ont pas logé dans leur maison en demandant refuge dans le voisinage, selon les habitants de la localité touchée par ces eaux. Ces mêmes habitants indiquent que le matière scolaire de leurs enfants a été touché par les eaux. À part cela, les semences de haricots, maïs, lentilles et autres ont été emportées par ces eaux seront toujours ces gens lésés. Et les membres de ces ménages légèrement touchés et les dits plus menacés demandent aux autorités habilitées de construire les canaux d'irrigation pouvant permettre le drainage des eaux de pluie en direction de la rivière Rusizi. Le commissaire provincial chargé de la protection civile en province de Cibitoke affirme qu'il a déjà contacté les administratifs à la base afin de faire l'identification de ménages touchés dans le but de réagir. Le conseil de l'administrateur de la commune Rugombo, chargé des questions administratives et sociales, firmé à Mumulemi, demande au service de l'urbanisme de réagir en construisant un gros canal pouvant contenir ces eaux qui perturbent cette population. Aux habitants de cette localité, il les demande de participer au curage des canaux d'irrigation pendant les travaux communautaires. Depuis Cibitoke, Alexine Dairagije, Radio Isanganiro. Merci Alexis. Également dans l'actualité, je vous l'avais dit dans les titres, les travailleurs de la société Afritextile sont en grève depuis le matin de ce mardi pour réclamer leurs impayés de 3 mois de salaire. Ils disent qu'après le transfert de leur compte de paiement de la Mutec vers la BCB, cette dernière a reçu d'Afritextile l'injonction de bloquer ses comptes. Le directeur de cette entreprise a refusé de s'exprimer sur cette question. Les détails avec Aimé Richard Niohour. Certains de ces travailleurs de la société Afritextile ex-Côte-Bou ont effectué un mouvement de grève depuis ce mardi matin. Ceux qui se sont exprimés sur le micro de la radio Isanganiro le matin de ce mardi relatent les raisons de ce mouvement de grève. Ils ont changé la domiciliation de nos comptes de la MITEC à la BCB. La BCB a consenti à nous octroyer des crédits. Mais chose étonnante, le chef du personnel ayant reçu son crédit de 16 millions s'est empressé de déclarer que nous autres sommes au chômage. Et non seulement le crédit nous a été refusé, mais aussi la BCB a bloqué tous nos comptes. On n'a plus accès à nos comptes, même pour retirer notre argent. Depuis octobre jusqu'à décembre, il n'y a pas d'augmentation de salaire. On nous dit que même le 29 de ce mois, la BCB va continuer à retrancher les intérêts. Et donc, nos salaires seront bloqués. Comment peut-on continuer à travailler? C'est impossible. Ces travailleurs font savoir que, depuis ce transfert vers la banque de crédit de Bujumbura, BCB en sigle, qu'ils ne parviennent pas à recevoir leur salaire, car cette banque a bloqué leur compte. Nos salaires sont bloqués depuis le mois de décembre 2019, car les responsables d'Afritextile ont transféré une lettre à la BCB en précisant que les travailleurs, nous sommes dans le chômage. Ces derniers demandent à leurs responsables de s'impliquer davantage pour que cette question trouve solution. Nous avons tenté de rejoindre le directeur général de l'Afritextile pour qu'il s'exprime à cette doléance, mais il a refusé tout commentaire. Aimé Richard Niyonguru. Et en bref, avant la chronique santé, où nous allons parler des mycoses des pieds avec Dr Belize Kaneza. Une femme habitant la ville de Muyinga a été interpellée par la police l'avant-midi de ce mardi. Cette arrestation intervient une semaine après qu'une photo montrant la nudité de cette mère des enfants circule sur les réseaux sociaux. Des sources policières indiquent que des enquêtes sont en cours pour connaître celui qui a posté l'image portant atteinte aux bonnes mœurs. Et le sélectionneur de l'équipe nationale vient d'avoir l'autorisation de convoquer n'importe quel joueur, sans toutefois tenir compte des cas d'indiscipline remarqués en mars 2015. Dans un communiqué sorti ce lundi, Jérémy Manirakiza, secrétaire général de la FFB, a rappelé que l'indiscipline a fait objet de suspension de certains joueurs dans l'équipe nationale de football. Le même communiqué indique qu'à l'heure actuelle, la situation est redevenue normale. Et cela ressort de la réunion du comité exécutif de la FFB tenue le 22 février cette année. Ce communiqué intervient un mois avant le match que le Burundi livrera contre la Mauritanie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2020-2021. Et en bref, en actualité africaine, un attentat à la bombe pendant un rassemblement de soutien au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a fait 29 blessés dimanche, a déclaré un responsable de la police, illustrant de nouveau l'instabilité dans le pays avant les élections prévues en août. Le meeting était organisé dans la ville d'Ambo, située à environ 100 km à l'ouest de la capitale, Addis Abeba. Et en Afrique du Sud, la Commission pour l'égalité des sexes a confirmé ce lundi 24 février que des femmes porteuses du VIH-Sida ont été stérilisées de force dans certains hôpitaux publics à cause de leur statut. La commission reconnaît désormais que ces traitements constituent de graves discriminations et violations des droits humains et recommande qu'un changement soit effectué dans la loi pour que tout acte de stérilisation soit désormais pleinement consenti. Le ministère de la Santé, qui a reçu le rapport, n'a pas encore commenté. Radio Isanganiro, chronique santé. La mycose des pieds constitue une maladie de la peau causée par des champignons. Dr Belize Kaneza, dermatologue, précise que cette maladie attaque les pieds plus précisément entre les orteils. Dr Belize Kaneza souligne qu'une peau pelée est l'une des symptômes de la maladie touchant majoritairement les hommes. Ornella Mocho. La mycose des pieds est une maladie de la peau dite dermatologique. Docteur Belize Kaneza, spécialiste des maladies de la peau, précise qu'elle peut toucher toutes les parties de la peau, mais généralement et souvent entre les trois derniers orteils. La mycose des pieds, c'est une maladie de la peau qui attaque surtout entre les orteils, qui cause une peau qui pèle, qui devient un peu blanchâtre avec dégagement d'une mauvaise odeur, des petits plaies et vraiment des démangeaisons qui sont parfois insupportable, surtout quand on vient d'enlever, donc si on a été exposé un peu à l'humidité. Mais à part entre les orteils, ça peut attaquer aussi la plante des pieds, ça peut aussi attaquer les ongles deviennent un peu jaunes, un peu décollés, avec des débris sous les ongles qui font que donc l'ongle là devient un peu épaissi. Et c'est causé par ces champignons-là, donc habitent sur notre corps, mais ça peut aussi habiter sur les animaux. Les personnes qui portent souvent les chaussures fermées, ce n'est plus à risque de développer les mycoses de pieds. Docteur Brice Caneda rappelle que l'humidité et la transpiration sont des facteurs favorisants de cette maladie. Les personnes à risque et surtout donc les personnes qui aiment bien porter les chaussures fermées, donc je parle là surtout des hommes, mais aussi des femmes qui portent des chaussures fermées toute la semaine comme ça. Les autres personnes exposées, ce sont des sportifs, parce que là on parle même des pieds d'athlètes. Ces personnes-là, ils transpirent beaucoup dans les chaussures, donc ils doivent porter aussi les baskets qui sont bien fermés et qui conservent beaucoup de la chaleur. Et ça, c'est un environnement très favorable pour ces champignons. Selon toujours Dr. Belis Caneza, les personnes ayant certaines maladies chroniques, dont les diabétiques, sont également les plus sensibles aux mycoses des pieds. À part ces chaussures-là, il y a même les vestiaires et les douches communes qui peuvent bien contenir ces champignons-là. Même les piscines ou bien les lieux de sauna qui sont fréquentés par beaucoup de monde. Les personnes à risque aussi, ce sont des personnes qui souffrent de certaines maladies, surtout comme le diabète, le sida et les autres maladies qui diminuent. Diminue donc l'immunité et qui expose aux infections par ces champignons-là, mais aussi par les autres microbes comme les bactéries, même les autres virus. Mettre les pieds plus de 15 minutes dans l'eau multiplie plutôt les mucoses de pieds. Elles donnent plus d'éclaircissement. Je ne suis pas totalement contre les pédicures si on respecte les règles de l'hygiène. Le matériel donc, ne devrait pas être partagé parmi deux personnes, par exemple. Ça devrait être stérilisé, donc, ou bien chaque personne devrait amener son propre matériel pour pédicure. Les champignons, ça aime l'humidité. C'est qu'on ne peut pas faire pédicure plus de 3 fois par semaine comme ça. Donc, ça devrait être fait au moins 1 fois par semaine. Mais aussi, on devrait limiter le temps de l'immersion des pieds dans l'eau. Normalement, il ne faut pas dépasser 15 minutes, sinon on nourrit les champignons. Les mycoses des pieds peuvent être soignées, mais également, elles peuvent être prévenues. Rendez-vous, c'est dans la prochaine chronique santé. Merci Ornella Hamucho, merci docteur Belise Caneza pour ces éclairages sur la mycose des pieds. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Un très bon après-midi.